Ah. Hey. Ça sent le gunshot. Briquet les armes, voilà la riposte. T'as du cran reste. Tout le monde à son poste. 2005, voilà les ghettos guerriers. Arrose les schmeites et les schmites à coups de crosse. On te rosse. Rase les murs, même la Nike, on te crame. La rétine infrarouge, on te canne sans état d'âme. Des nerfs d'acier, un mental forgé dans le métal. Les flingues ricanent, le fou rire n'est pas rentable. En bas ton attirail, c'est déjà tes funérailles. Tu le sais pas encore, man, mais t'es déjà mort. Y'a pas d'immortel, c'est la merde d'un paysage sans horizon. Aucun port d'armes autorisé, on te défourage sans raison. Qui t'harcèle, moi et Nicky Larsen. De la dope dans les artères, les MC encore j'artèle. L'âme du ghetto guerrier, le siffle devant, le ghetto derrière. Moi je vise le crevant, comme sur le terre-terre. La rue parle et tu la fermes. En quelques phrases, je tue l'affaire. Dis-leur que pour la plupart, ça pue la guerre. J'ai pas du rap, mais du maniement d'armes. Tu peux ramener Johnny qu'au crâne. Mais si tu gazes, mon rap, il t'arrive dans le crâne. 92 bastos, 93 chargeurs. On arrose tous les gaz, pose. C'est de la baisse, ma gueule. Au fait, il nique toujours le système. Toujours aussi fier, pourra t'y faire. T'as deux options, c'est le cimetière ou la cipière. Ghetto guerrier, sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir. Ghetto guerrier, sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir. Putain de style. Pour le ghetto plat, get ma plat. 9-4 paradise, moi et mon âme de guerrier. Mon rap une arme, la rue mon protectorat, un bâtard. J'envoie les bastos dans leur putain de chorale de bâtard. 3 stops, moi c'est la hier. Ouais gros, si c'est la guerre boy, envoie les cartouches. Chez nous c'est la guerrière urbaine, boy, depuis longtemps. 400 yens, on te flingue en pilotant. L'avenir est en pâle pop, mais ton pare-balle. Car on a pris les armes pour récupérer nos casse dalles. Les gros, on rap sans gants, on a le rap sanglant. Des rapsa qui blessent pour brutaliser la chance. Ah, c'est un guerrier à la bande des races. Y'a du plastique dans le pactage pour douiller les pédérastes qui nous hagardent à Bagdad. Pas là pour plaider copac. J'suis la pierre philosophale, la douille dans ton oesophage. La rap dans la prise d'otage. J'suis pas que cette vie tes cœurs. T'as pas goûté à l'astré. Regarde froid là où tes cœurs. Venez sucer ma pile. Si c'est l'école de la rue, trop rude pour les pédales. En son braque le métal, tu lâches des matières fécales. Sale son pour les braves, qu'on plus de veux sur le caillou. Une balave pour autographe, la dédicace des voyous. C'est la jungle de briques. À l'affût du pactole, va défiler les brinks, ça va du jackpot à la tôle. Ghetto guerrier, sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir. Ghetto guerrier, sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir. Tu veux la guerre, t'as choisi la bonne personne. Alibi, Montana, Buena Hit, Nickerson. Pour mon ghetto, je déploie le plan hors sec. Coup de tête, coup sec, vénère, je m'en bats les steaks. Je viens rapper sur les balles, sur les douilles. Mon afro, 19ème, 93, ma couille. Rime Amazon, t'emmène en Amazonie. Dans mon bâtiment, ça fume tellement que les dents jaunies. Je suis camouflé, je suis en qualité barbare. Je rappe avec une fiche de recherche sur le dos, petit connard. Toujours paré pour la rime, homicide. Moi je suis criminel, en plus je te fais tremper dans l'acide. Je suis impatient, faut kicker comme a construit pas le barbe dans mon ghetto. La guerrier est urbaine, y'a plein de guerrieros. Ici minable, ne teste pas si t'as pas les bascos. Ne teste pas si t'es pas bon dans la baston. Vacos locos, t'as beau jouer le colosse. Maintenant les rappeurs sont raquettés, deviennent des bolosses. T'as beau rouler en Enzo Ferrari, on te dépouille à coups de crosse. Trop pressé, t'as mis ton jean à l'envers à la criss cross. Quand y'a la flicka, il s'est bête, on court. Ici c'est beau. On n'a pas encore libéré une crise de bête en cours. Le climat est bouillant, saignant, les petits regards en criant. Ghetto guerrier, sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir. Ghetto guerrier, sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir. 93, y'a que des armes lourdes, y'a pas de bombe acrymogène. Denis Instinct, c'est un assassin, on apprend le crimogène. Jackson, 93, Nicky Larson. Besoin de personne, à part du GSM, plus rien ne m'impressionne. Balle traîne, traîne pas là où les vrais balles traînent. Nous, on sent pas les couilles, nous, on sent pas les coups. Ghetto guerrier, y'a pas de cascade sans tonneau. Nous d'embuscade de star sans tonneau, de Manny sans Tony. Époque blackjack, gros, le silence brise les mots. Car les rebeux et les blackjack, trop. Génération d'esperado, c'est pas la vie d'esperado. On tire dans le dos et vend de la poudre à des apôtres. La guerre c'est dans l'autre île, donc rassemblez vos troupes. Illégal est le truc, donc hardcore est le drac, illicite est le crew. Ça fait longtemps que je fais partie de l'armée des ombres. Je suis un mercenaire au service de la rue, mon terre-terre c'est les sons. Commandant en chef, je lâche moi un chercheron. Soldat, garde à vous, lâchez les bons. Je blague pas, je viens chercher mon base. Tu connais mon blast, Delta, full spell comme la presse. Tu kiffes quand je brûle, je fous le racon quand les faux souffle la brise. Fous le feu dans le piste, tous les petits cons, je ghetto guerrier, sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir. Ghetto guerrier, sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir. Oh, j'ai pété le cul, demande à mes escrocs. Faut du liquide en 8 secondes, elle a perdu les os. Eps, laisse-moi faire un gros, petite pulcra. J'ai gros, tu le crains, Mister Crew, il m'en l'entend pas. J'ai la Kalashnikov qui me chatouille, le gun fait des abdos et mon physique il fait des pompes. Grand griot du ghetto, scred street pas crier. Quand je t'envoie Zarkawi poser ton courrier. T'as pour tous des yesh, au moins la merde ils l'auront senti. Moi je te laisse en yinche sans issue de sortie. De ton corps tu vas retirer les balles et les orties. C'est F.U. c'est là la sortie. Guerrier, sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir, ghetto guerrier. Sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir, ghetto guerrier. Sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir, ghetto guerrier. Sortez vos armes et vos armures. La guerre est déclarée, les bâtards vont fuir.